Chapitre 3. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Un homme s'y trouvait qui avait la main desséchée. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser de mal agir. Jésus dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi, là, devant tout le monde. » Puis il demanda à ceux qui regardaient, « Que permet notre loi ? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal ? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire ?» Mais ils ne voulaient pas répondre. Jésus les regarda tous avec colère. Il était en même temps profondément attristé de leurs mauvais sentiments. Il dit alors à l'homme, « Avance ta main. » Il l'avança et sa main redevint saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Jésus se retira avec ses disciples vers le lac de Galilée et une grande foule de gens le suivit. Ils venaient de Galilée et de Judée, de Jérusalem, du territoire d'Idumée, du territoire qui se trouve de l'autre côté du Jourdain et de la région voisine des villes de Tyr et de Sidon. Cette grande foule vint vers Jésus parce qu'elle apprenait tout ce qu'il faisait. Alors Jésus demanda à ses disciples de lui préparer un petit bateau afin que la foule ne l'écrase pas. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui souffraient de maladies se précipitaient vers lui pour le toucher. Et au moment où les esprits mauvais le voyaient, ils tombaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur recommandait sévèrement de ne pas dire qui il était. Puis Jésus monta sur une colline. Il appela les hommes qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher et leur donner le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Voici les 12 qu'il choisit. Simon, Jésus lui donna le nom de Pierre, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, Jésus leur donna le nom de Boanerges, qui signifie les hommes semblables au tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus à ses ennemis. Jésus revint ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples n'avaient pas même le temps de manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les maîtres de la loi qui étaient venus de Jérusalem jusque-là disaient « Il a Belzéboul, le diable, en lui ». D'autres disaient « C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits ». Alors Jésus les appela et leur parla au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il se chasser lui-même ? Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il y a de la division dans son royaume, son pouvoir ne peut pas continuer à exister, mais prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et voler ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Quand il l'a lié, il peut tout voler dans sa maison. Écoutez-moi, je vous le déclare. Les hommes pourront recevoir le pardon de tous leurs péchés et de toutes les paroles mauvaises qu'ils auront prononcées. Mais l'homme qui parlera contre le Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon, car il aura commis un péché éternel. Jésus leur parla ainsi parce qu'il déclarait « Il a un mauvais esprit en lui ». La mère et les frères de Jésus arrivent alors. Ils se tiennent en dehors de la maison et lui envoient quelqu'un pour l'appeler. Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit « Écoute, ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent ». Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et dit, Voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait ce que Dieu veut est mon frère, ma sœur.